Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 88-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège. Je suis content de lui reparler parce que la dernière fois que je lui ai parlé, c'est son lancement de livre et j'avais pas lu sa biographie. Mais là, maintenant, je l'ai lu. Puis hier, il a écrit un bon papier sur le site de RDS où il se posait la question, évidemment, que Marc Bergevin, ce qui est arrivé à Montréal, il avait vraiment à peu près la ville à ses pieds. Puis là, maintenant, on voit beaucoup de grogne sur les médias sociaux. Et j'ai décidé de le rappeler, c'est Bertrand Raymond. Bon après-midi, Bertrand. Bon après-midi à toi. Bertrand, je voudrais avant tout te féliciter pour la biographie. Je l'ai terminé de lire, puis je vous l'ai dit en nom, en dehors des ondes, puis je vais vous le redire en nom. J'ai été très touché par la biographie. Puis moi, ce qui m'a fait plus toucher, c'est pas l'aspect carrière, c'est plus l'aspect humain. Que vous avez perdu vos parents très très jeunes et de façon dramatique à une journée de votre mariage. Puis c'est ça m'a touché vraiment beaucoup, beaucoup, parce qu'évidemment, moi, j'ai perdu mes parents jeunes également, pas dans les mêmes circonstances. Mais j'imagine que quand on est capable de traverser une période de la vie aussi dure, ça nous rend plus fort, j'imagine. Bien, c'est... Je pense pas qu'il peut y avoir un coup plus dur que ça dans la vie. Alors, quand tu le passes dans un âge où tu rentres vraiment dans le monde des adultes et de ma carrière professionnelle, c'est sûr que tu te dis après ça, il peut rien m'arriver de pire. Mmh. Partant de là, ben tu te forges, ça te forge une carapace. Mmh. C'est l'accident lui-même qui forge une carapace, pas toi qui le fais, là. Mmh. C'est la vie qui se charge de le faire pour toi. Ah, effectivement. Donc, c'était tout... Allez lire la biographie. Comment ça va, la vente de livres? Après ça, on va sauter dans le sujet. Ça va très bien. Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Oui, ça va très bien, grâce à des gens comme vous, là, qui m'ont fait faire le tour du Québec à la radio. Puis, évidemment, dans chaque région, il y a des gens qui m'ont suivi à l'époque et ils vont se retrouver dans certaines histoires que je raconte. Ben, regarde, moi ça, c'est celle-là. C'est beaucoup plus du côté humain que du côté journalistique. Bertrand, très bon article hier dans le journal, ben pas dans le journal, mais sur le site de RDS, où que tu expliques un peu, c'est à peu près ça que ça voulait dire. Marc Bergevin, lorsqu'il est arrivé à Montréal, il y avait le Québec à ses pieds, puis là maintenant, on regarde sur les médias sociaux, c'est rendu la tête de tuque. C'est incroyable de voir ça. Si on s'appelle le 2 ans, Marc Bergevin est en nomination pour comme le poste de DG 2-3 ans, et par la suite, où est-ce que ça a viré de bord? Où ça a tourné de bord? Je pense qu'à un moment donné, Bergevin a commencé à vouloir... Il a peut-être évalué son équipe, il a commencé à vouloir juste boucher des trous ici et là, en allant chercher des joueurs qui coûtent pas cher. Marc Bergevin, c'est comme s'il y avait comme directeur général deux personnalités. C'est le gars qui est capable de frapper un coup de circuit. Il en a frappé un cet été avec Jonathan Drouin. Mais c'est le gars aussi qui va boucher des trous avec des joueurs qui ne coûtent pas cher, mais ces décisions-là ne valent pas cher non plus. Non. Donc, ça ne permet pas aux Canadiens de progresser. On avait des doutes sur, est-ce que le Canadien, la fameuse fenêtre d'opportunité est-elle encore là et tout ça. Puis il y a deux ans, ça regardait pas si mal. Mm. Mais l'été dernier, quand il a perdu Radulov et Markov, c'est là que tout a cassé. Parce que, regarde, quand Markov a dit à Bergevin, on peut pas s'entendre, merci beaucoup, bonsoir, je m'en retourne en Russie, ce jour-là, là, et je vais te nommer les joueurs qu'il avait à sa disposition, les défenseurs parmi les nouveaux venus. Là. Il y avait Brandon Davidson, il y avait Nikita Nesterov, Joe Morrow, Mark Streit, David Schlemko, Carl Ondner et Zach Redmond. Et là, lui, il prend ce groupe-là et dit « Hey, on a des réserves, on a une profondeur à ligne bleue. » Et c'est ça qui lui a permis de dire au camp d'entraînement de faire un commentaire qui va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière quand il a dit on a une meilleure défense que l'an passé. Ouais. Alors que tous les joueurs que je viens de te nommer, il n'y en a pas un qui était capable de prendre les minutes perdues par le départ de Barkov. Mm. Puis en plus, quand c'est arrivé, là, il avait déjà perdu Sergachev, Beaulieu, Mélin. Là, tu rajoutes Barkov. Comment tu peux logiquement faire croire au monde que tu es meilleur que l'an passé quand tu perds des éléments comme ça? Ouais. Des éléments qui ont du talent. Alors, et là, ça, c'est le cas Barkov. Quand il a acquis Drouin, c'était à la mi-juin. Mm. 18 jours plus tard, il a perdu Radulov. Ça veut dire qu'il a eu 18 jours pour négocier avec Radulov puis dire, écoute, c'est sûr que Radulov, il va me coûter plus cher que je voulais lui donner, mais je peux le faire jouer avec Drouin. Mm. Alors, je vais en mettre un peu plus. Mais non, c'est pas ça qu'il a fait. Lui a gamblé sur le fait que Radulov et Markov étaient tellement en amour avec Montréal qu'ils pouvaient se permettre de négocier serré avec eux autres puis les avoir à la dure. Ben, ils ont tous les deux foutu le camp. Bertrand, moi, c'est pas là que moi que ma confiance, puis j'en ai parlé à plusieurs, puis je vais te le dire, c'est la deuxième fois qu'on se parle. Lorsque j'ai perdu confiance, c'est où, moi? C'est quand que Trevor Timmons... Tout le monde sait qu'il y a un problème dans le monde du recrutement et dans le monde du développement chez les Canadiens de Montréal. Puis il n'y a eu aucun changement l'été passé. Mieux que ça, il y a eu des nominations. Tu sais, si les années de Tim Hardy puis les années de Beaulieu, si Tim Hardy, si Beaulieu, si Louis Leblanc, si dans ces années-là, s'il y a des joueurs qui viennent jouer, ben la perte de Markov est pas mal moins pire. C'est ce que je veux dire? C'est, ouais. C'est à peu près. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est là, moi, bien plus que Radulov. C'est beaucoup plus ça, là. Je vais te parler de Timmons dans une minute, si ouais. Je te permets. Le titre du papier hier, c'est que Bergevin, il avait tous les outils pour gagner. Okay? Mm. Quand il est arrivé, pourquoi les gens se sont emballés? Il est arrivé avec comme un vent de fraîcheur, puis ensuite, il s'est dit, moi, là, je ferai pas un one-man show, je vais me bâtir une équipe autour de moi, puis ça va bien aller. Puis là, les gens ont eu espoir. Là, il a embauché Rick Dudley, Scott Mellenby et Larry Carrière. Rick Dudley, il était adjoint au directeur général, il l'a promu, il y a 2 ans, vice-président. Ouais. Scott Mellenby était directeur du personnel des joueurs, il l'a promu adjoint au directeur général. Trevor Timmons était directeur du recrutement. Il est maintenant adjoint au directeur général. Alors, non seulement Molson a accepté tous les joueurs, tous les conseillers que Bergevin voulait avoir, mais il a aussi accepté que tout ce monde-là soit monté en grade, ce qui veut dire qu'il ne gagne pas moins qu'il gagnait avant. Non. Et à ce gang-là, là, il avait aussi ajouté Patrice Brisebois puis Martin Lapointe qui, eux, allaient veiller sur les jeunes, au développement des jeunes. Mais regarde, là, Jeff Molson, c'est pas parce qu'il n'a pas investi, là. Mmh. Chaque fois que Bergevin lui demande quelque chose, il l'accorde. Mmh. Et que, alors que tout le monde pense que Trevor Timmons, c'est pas l'invention du bouton en 4 trous, il reçoit une promotion, en plus. Mmh. Il y en a qui rêvaient de le voir partir, mais non, il l'a monté en grade. Alors, lui, il y a autant confiance en tous les gens qui sont là, et je peux te dire que les conseillers, les Rick Dudley, les Scott Mellenby, les Larry Carrière et les Trevor Timmons, là, le Canadien n'est pas plus fort avec eux autres. Et ces gens-là, et je parle surtout des 3 premiers, là, et il y a aussi 3 recruteurs professionnels chez le Canadien. Alors, qu'est-ce que tous ces gens-là font? Ils sont sur les galeries de presse à travers la Ligue, puis ils ramassent des notes sur tous les joueurs, de sorte que quand Bergevin va vouloir faire une transaction, il va appeler Joe Blow, puis il va dire, « Hey, toi, tu l'as vu jouer 10 fois, là. Dis-moi ce qu'il fait, ce que tu penses de ce gars-là. » Et à la lumière de certaines décisions qu'il a prises, de toute évidence, ces gens-là ne l'ont pas très bien servi. Mm-hmm. Qui dans l'organisation du Canadien a pu penser que Mark Streit à 40 ans, fini, qui ne jouait pas avec Philadelphie d'un série, qui pouvait aider Canadiens? Qui a pensé ça? Ben non, alors, il y a quelqu'un qui a dit ça à Bergevin, mais Bergevin, lui, il faut qu'il se fie un peu aussi à ses conseillers. Il n'a pas le temps d'aller voir ces joueurs-là. Non, non, c'est pas de sa faute. Ce que je cherche à se dire, c'est que le Canadien, là, ils ont vraiment... Molson, il a vraiment tout fait pour que ça marche, mais ça marche pas. Ben, Bertrand, c'est pas de sa faute, Bergevin, si les résultats t'aiment. Mais quand t'as un problème, puis que, écoute, il y a tellement eu de papiers l'été dernier, des analyses profondes de Trevor Timmons, et tu peux ajouter Sylvain Lefebvre aussi. Sylvain Lefebvre, moi, ça m'a dépassé qu'il revienne. Le gars a joué un match en série éliminatoire en 6 ans. Il n'y a pas grand joueur de développer. OK, c'est Charles Hudon, ça vient de lui. Tu sais, il n'y a pas développé grand joueur. Puis Sylvain Lefebvre, moi, je m'aurais attendu voir un Dominique Ducharme. Tu sais, le club est transféré à Laval. C'est peut-être faire un changement à ce niveau-là. Tu sais, amener du sang nouveau. Puis ouais. Mais non, il ramène. Pour ce qui est de Timmons. Ouais. OK. Et je ne parlerai pas de Lefebvre parce que là, c'est presque sorti de l'organigramme du Canadien. On parle des problèmes qu'il y a à Montréal à l'heure actuelle. Mais il est important. Oui, je sais. Ouais. Pour ce qui est de Timmons, c'est parce que Bergevin l'aime. Et pourquoi Bergevin n'est pas en danger à l'heure actuelle? Parce que Jeff Molson l'aime. Jeff Molson nous répète souvent que c'est l'un des meilleurs directeurs généraux de la Ligue nationale. Partant de là, t'es pas enclin à faire des changements. C'est l'adoration mutuelle, ça, au sein de la haute direction de l'équipe. Là. Tout le monde s'aime. Mais là, ce qui pourrait arriver comme changement, c'est que là, il y a des bancs vides. Ça peut-tu faire changement puis peut-être faire allumer Jeff Molson? Écoute bien, le message le plus clair, là, c'est quand tu as acheté le billet et que tu viens pas. Ouais. Parce que les sièges vides au Centre Bell, c'est des billets qui ont été vendus, ça, et les gens ne viennent pas. Non seulement ne viennent pas, je présume que ces gens-là ont appelé leur chum et dit « Hey, j'ai deux billets, soit ça te tente-tu d'y aller? » Ils y vont pas, eux autres non plus. Ça, c'est un message fort. Puis, tu sais, là, on va voir, là, les gens là, en région, comme dans ton coin, là, puis un peu partout au Québec, là, ils sont pas autour du Centre Bell à une heure du match, alors que les cônes oranges, que les camions sont stationnés partout dans les rues. Ça, là, c'est un irritant parce que t'es à 5 minutes du Centre Bell, puis ça prend une heure pour y aller. Ça, c'est un irritant. Mais quand le Canadien gagne, hop, c'est moins pire. Tu y vas. Puis quand le Canadien gagne, après un match, tu vas dans des restaurants autour du Centre Bell, va voir le monde qui sont là, ils prennent un verre, ils mangent, ils ont du fun, ils sont heureux, le Canadien a gagné. Là, tu es obligé de te dire que les bancs vides, l'irritant est dans la rue aussi, là. Les gens, ça ne leur tente plus d'y aller, là. Non. De contourner les cônes oranges, là. Puis, est-ce qu'ils vont encore acheter les produits dérivés? Les fameux deux chandails à 250$, là. Ouais. Quand t'es sur une séquence de 10 victoires consécutives, t'es fier de le porter. Mais quand l'équipe ne gagne pas, t'es pas pressé de l'acheter comme cadeau de Noël. Ouais, effectivement. Ça, c'est un autre pied. Puis ça, c'est une très grosse source de revenus. Puis là, on en arrive à un point très important. Les joueurs, eux autres, comment est-ce qu'ils vont être motivés? Parce qu'on se contre pas une histoire. Le Canadien, là, il sera pas dans les séries. Non, c'est sûr. À partir du mois de décembre, là, t'as 5 mois à faire dans la saison. En sachant qu'il n'y a aucun objectif possible. Alors, comme partisan, tu t'encourages l'équipe comment, là? Quand tu sais qu'au bout de l'année, ça va finir avec un soulier et une bottine. Et les joueurs, eux autres, pendant 5 mois, ils vont être obligés de faire du temps. Ils vont jouer. Ils savent que comment ils gagneraient 2 matchs sur 3, ça sera pas encore suffisant. Alors, eux autres, ils vont jouer, pourquoi? Pour leur statistique personnelle en vue d'un prochain contrat. Ils jouent plus pour l'équipe. L'équipe a pas d'aspiration pour la fin. Pour la suite c'est, des... C'est assez... Oui. Pour la suite... C'est assez dramatique. Pour la suite des choses, Bertrand, est-ce que du côté du Canadien, je veux dire, moi je pense que quelque part, il faut vendre de l'espoir. Quand on n'est pas capable de vendre un club qui performe, vendre de l'espoir. On rappelle les Nordiques, là, on vend souvent de l'espoir dans les années 90. Et moi je pense qu'à la lumière de ce qu'on a vu, Bergevin a un contrat jusqu'en 2022, ça va être difficile de tasser. Mais écoute, Montréal est une organisation quand même très riche. Est-ce que Patrick Roy, moi c'est mon cas, là, est-ce que Patrick Roy pourrait être la solution? Non. Non? Non. Parce qu'ils considèrent que Patrick Roy, c'est de la dynamite, puis ils n'ont pas besoin d'un gars explosif dans le décor actuel. Et c'est pour ça que Bergevin, quand il avait fait le tour de plusieurs entraîneurs avant de nommer Michel Therrien à son arrivée avec l'équipe, il avait rencontré Patrick Roy. Mais il l'a rencontré juste pour que les médias ne le blâment pas de ne pas l'avoir rencontré. Il n'était pas intéressé du tout de l'avoir. Mmh. Et on peut comprendre ça. C'est un jeune directeur général. Il faisait ses débuts dans cette chaise-là. Il n'avait pas besoin d'avoir comme conseiller ou n'importe où dans l'organigramme un gars comme Patrick Roy, parce que dès que ça aurait mal tourné, les gens auraient réclamé Patrick. Ouais. Alors, le Canadien ne voulait pas avoir de cette source de distraction-là, et puis je pense pas qu'ils veulent l'avoir encore aujourd'hui. OK, OK. Avez-vous... Mais juste pour finir avec Bergevin, tu sais, à un moment donné, là, c'est sûr qu'il n'est pas en danger à l'heure actuelle. Tu peux pas faire de changement là. Ça apportera rien aux Canadiens d'ici à la fin de la saison. Et les bons hommes de hockey, susceptibles de devenir candidat au poste de directeur général du Canadien, ils ont déjà une job. Mm. Mais, quand la saison finit, il y en a des candidats disponibles. Ouais. Pour Jeff Molson, la décision est de savoir est-ce que je remplace Bergevin à la fin de la saison, que j'absorbe son contrat pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Parce que, est-ce que tu peux demander à un type qui a comme Bergevin, de bâtir sur ses propres erreurs en n'écartant pas la possibilité qu'il en commette d'autres. Ouais. Tu sais, moi, là, un constructeur construit ma maison et qu'il se trompe et que je l'aime pas, ma maison, je vais en faire construire une autre juste à côté. Penses-tu que je vais prendre le même constructeur? C'est pour ça que Bergevin, je pense que malheureusement, ses jours sont comptés à Montréal, je pense qu'il est foutu. Avez-vous pris connaissance des propos de Serge Savard cette semaine? Oui. Comment vous avez trouvé ça? C'est dur, ça. Ouais. Parce que, à un moment donné, il y a comme une loi non écrite, là, que tu as déjà été dans cette chaise-là, tu peux pas vraiment critiquer les gens qui sont en poste. Puis, tu sais, aux États-Unis, là, le président des États-Unis, quand il quitte la Maison-Blanche, il se fait un point d'honneur de ne pas critiquer celui qui s'en vient. Mm. Ou encore, celui qui est en poste, qui est facilement critiquable, on va l'admettre, là, mais on essaie de pas embarquer aller jouer dans sa cour et de critiquer publiquement. Serge l'a fait cette semaine, c'était très dur le constat qu'il a fait sur... Il n'y avait pas tort, oui. Il avait pas d'autant plus que c'est lui qui avait recommandé Bergevin à Jeff Molson. Ouais. Mais là, à ce moment-là, quand il revient dans le passé, puis il dit, nous autres, on était bon à un joueur près de gagner la coupe. Oui, c'est loin, ça. C'est terminé. Il peut, Serge, émettre des commentaires sur ce qui se passe chez le Canadien à l'heure actuelle sans pointer du doigt les responsables. Mmh. Tu peux dire, moi, il me semble qu'ils auraient dû faire ça, ou, tu sais, donner son point de vue. Mais je l'ai trouvé très, très sévère à l'endroit de Marc Bergevin. À cause du rôle que lui, il a déjà occupé, la chaise qu'il a déjà occupée, et de Bergevin qui est assis dans sa chaise-là. Et savoir, c'est fort bien que quand il était assis dans cette chaise-là, que c'est pas facile, cette job-là. Non. Il le sait. C'est encore plus difficile aujourd'hui à cause du plafond salarial. Effectivement. Ben, très, très intéressant. On va avoir l'occasion de se parler à quelque part dans l'hiver. Parfait. Bertrand Raymond. Merci.